de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Buster Keaton semblait avoir fait don de son corps à l'œil de la caméra, comme d'autres lèguent leur à la science. Il aura peut-être été l'incarnation la plus poétique du cinéma dans toute sa pureté originelle, donc muette. S'il survécut à la croisière du Navigator et à bien d'autres périls, l'arrivée du parlant et la perte de la maîtrise artistique de ses réalisations auront été fatales à Buster Keaton. Au contraire de Charlie Chaplin, lui n'aura pas réussi à être le seul maître à bord de ses productions. Mais dans les seules années 20, l'homme au canotier et à l'impassible visage aura signé une dizaine des films les plus marquants de l'histoire du cinéma. À le voir sur l'écran, aujourd'hui encore, on tremble pour ce casse-cou par inadvertance, au regard intimidant de profondeur. En 1965, Samuel Beckett réalisa avec Alan Schneider un court-métrage muet, sobrement intitulé « Film ». Keaton y est toujours filmé de dos, jusqu'aux dernières secondes, où il nous apparaît de face et borgne, recouvrant pour finir son visage de ses mains. En 1985, les Mardis du cinéma consacraient une émission à Buster Keaton. Avec Pierre Etex et Jean Douché, mais aussi, rien n'est jamais parfait, avec le peu estimable Claude Autant-Lara. Mardi du cinéma, Buster Keaton. Une émission proposée par Simone Douek, réalisée par Maurice Audran. Avec Claude Autant-Lara, Jean Douché, Pierre Etex, des textes dits par Léon Lessac et avec Rémi Esnault. Le plaisir de s'abandonner au rire au cinéma. Buster Keaton. Buster Keaton, le comique qui, pour la plupart d'entre nous, n'a pas bercé notre enfance, car tous ses films avaient curieusement disparu du réseau de distribution jusqu'en 1962, année où la Cinémathèque française l'invita. Depuis, de loin en loin, des festivals Keaton, comme tout dernièrement à l'Action École, nous replongent dans le délice des vieilles copies et dans le mystère de ce petit homme qui fascine. Car peu de témoins aujourd'hui l'ont vraiment côtoyé. Claude Autant-Lara, lui, l'a rencontré à Hollywood. Si vous pouvez continuer à voir les films de Buster Keaton, les revoir, vous ne serez jamais déçu par le personnage qu'il a inventé, qui était vraiment ce comique, cette absurdité merveilleuse, cette absurdité humaine de Buster Keaton. C'était certainement c'est le plus remarquable des acteurs américains que j'ai rencontrés. Lui, j'ai eu quand même avec lui des contacts que je n'ai jamais oubliés. Et j'ai appris de lui beaucoup de choses que j'ignorais, parce que j'étais très jeune, moi aussi, il faut bien le dire, à cette époque-là. Et lui était déjà un homme fait, hein, qui avait donné les preuves d'un énorme talent. La façon dont il faut marquer les effets, vous comprenez. Il était là-dessus un véritable maître dans l'exécution. Étonnant. Il était d'une drôlerie extraordinaire. Vous savez, il était devant vous comme ça. C'était très curieux d'ailleurs. Et tout d'un coup, sans rime ni raison, sur place, il faisait un saut périlleux en arrière, vous le retrouviez. Dans la même situation, mais il avait fait un tour sur lui-même. Et ça faisait peur à Françoise Rosay. Et alors, il faisait cette blague-là tout le temps. Il n'arrêtait pas de faire des blagues, d'ailleurs, sur le plateau. De toujours très amusante. Très amusante. C'était un génie inventif. C'était un peu comme les Laurel et Hardy, qui, eux, inventaient leur film au fur et à mesure qu'ils travaillaient. Et lui, il avait sans arrêt des petites inventions comme ça. très très charmante. Pas très importante, mais qui était drôle. Oh, surtout, ce que j'ai appris de lui, c'est toujours de condenser les effets, de ne jamais les étaler exagérément au-delà de leur portée même, vous comprenez ? C'est-à-dire de ne jamais peser sur un effet. Hop, l'effet était fait, c'est fini. On passait tout de suite à autre chose et ne jamais, jamais insister. Parce que je vois beaucoup de comiques français, je ne veux pas vous citer de nom, vraiment, qui ont les pieds un peu lourds. Hein. Quand ils ont trouvé quelque chose, je vais vous dire, enfin, vous suivez mon regard, vous m'avez compris. Bon, tandis que lui, on en apprenait de lui qu'une certaine finesse dans l'exécution, une discrétion, mais ça, ça portait, hop, et il n'insistait pas, c'était passé. Hein. Mais il ne faut jamais insister, il ne faut jamais insister. Vous faites votre effet, toc, c'est fini, passez à autre chose. À un autre, inventez-en un autre. Hein. Mais ne pesez pas sur ce, ne les tirez pas comme du chewing-gum. Rémi Esnault. Courir, courir, marcher, marcher dans le sens, à contre-courant. Marcher, marcher, retenir, retenir vite la vie, rapidité du gag. Avez-vous vu cet homme dans ses états ? Cet homme au masque blanc, visage de cire, dans la tourmente, visage, masque, totem. Visage, masque, totem. Visage de l'homme qui, maintenant, marche, court, court vers les boules, les femmes, la vie. Contre lui-même, revient, ici, là, voici les femmes, voici les boules, le masque, toujours tragique, happé par la descente aux enfers. Il lui faut du ressort pour ne pas tomber. Voici le masque, voici l'homme qui revient de la tourmente, court vers la tourmente. Torrent, embuscade, gag, gag, embuscade, torrent. Cet homme est le sens même de la douleur, de la douceur. Masque, torrent, embuscade, dans la profondeur du champ. Jean Douché, critique de cinéma. Keaton, il fait partie donc de toute la génération des comiques, du burlesque américain. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont tous été enfants de la balle. Que ce soit Chaplin, Laurel, Langdon, Keaton, etc. Et dresser un portrait de lui, c'est d'abord rappeler une enfance commencée dès l'âge de 3 ans sur les planches, puisque ses parents le promenaient partout dans leur numéro. Acrobate presque de naissance, et devenant très vite la vedette du trio parental. On venait voir les Keaton pour le petit Keaton. Et cela a même provoqué un drame. Lorsque Keaton a pris son essor de façon indépendante vers l'âge de 17-18 ans, il a quitté ses parents et c'était une sorte de catastrophe financière pour les parents. Il y a eu d'ailleurs une brouille avec le père de Keaton, et brouille qui c'est quand même résorbé beaucoup plus tard. La preuve, c'est que... Keaton lui a donné des rôles plus tard, des petits rôles dans ses propres films. Tout le personnage de Keaton est un personnage, en fait, qui masque une tendresse profonde parce que peut-être qu'il n'a pas eu le temps lui-même d'avoir le temps de la tendresse. Le caractère sentimental de Keaton a quelque chose à la fois, je dirais presque un peu de désespéré. C'est quelqu'un qui est en quête en permanence d'amour, en quête d'affection, en quête de chaleur, en quête de repos. Et c'est quelqu'un qui, en fait, ne rencontre pas vraiment. Il rêve toujours d'une femme, mais dès que la femme est là, matériellement parlant, elle devient une catastrophe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui poursuit, qui est toujours en quête d'un rêve, en quête d'un idéal, en quête d'un amour, en quête de quelque chose, mais effectivement, il ne l'a jamais. Les premières années de l'œuvre, c'est quand même une succession de courts-métrages à la fréquence quasi identique à celle de Chaplin au début. Bon, un peu moins que Chaplin quand même, mais disons que c'est de l'ordre de 10 à 12 courts-métrages, mais des courts-métrages de bobines, c'est-à-dire quand même des courts-métrages d'un quart d'heure, 20 minutes. Bon, alors au départ, il y a les petits rôles avec Fatih, qui était une des grandes vedettes burlesques de l'époque. Puis très vite, l'indépendance, le personnage qui se crée pas tout de suite. On voit par exemple dans les premiers courts-métrages des Keaton souriants ou riants. C'est-à-dire un Keaton qui fait quand même des grimaces. Alors là-dessus, il y a des légendes multiples qui veulent que ce soit Fatih qui, estimant que Keaton détournait à son profit l'attention du public, lui avait interdit de rire. Et donc, Keaton avait constitué cette espèce de masque impassible, etc. Bon, d'autres raisons, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas très bien. Je crois que tout simplement, le personnage de Keaton a très vite compris que tout son génie résidait dans l'extraordinaire mobilité de son corps d'acrobate et que l'impassibilité du visage ne faisait que renforcer, et donc un contraste comique évidemment entre cette impassibilité et ce corps de caoutchouc. Jusqu'en 1923, bien qu'il y ait un long métrage qu'on peut appeler un long métrage en 1920, mais en 1923, ça y est, c'est le début des longs métrages. Ça commence avec Trois âges, qui est encore un moyen long métrage. Puis après, bon, la grande série des longs métrages, Les lois de l'hospitalité, La croisière du navigateur, Le mécanisme général, Sherlock Junior, Steamboat Bill Junior, etc. Bon. Et cette œuvre-là va se terminer avec Le Parlant, car évidemment, Le Parlant, plus encore que Chaplin, va tuer le personnage de Keaton. Pas tellement pour des raisons esthétiques. C'est vrai que, par exemple, Chaplin va mettre très longtemps à se faire au parlant et, en fin de compte, à abandonner le personnage de Charlot. Il sera quand même obligé de l'abandonner, puisque c'est un personnage fondamentalement muet. Mais Chaplin avait eu le génie de un génie financier, c'est-à-dire un génie de producteur, et donc il était indépendant, il a pu se payer le luxe de cette immense période de gestation, etc. Alors que Keaton, qui était toujours produit par des compagnies et qui n'avait jamais, qui était de ce point de vue-là un peu cigale, s'est retrouvé en effet fort dépourvu lorsque Le Parlant est arrivé, et brutalement le personnage de Keaton parlant n'intéressait plus personne, et ça a été une des grandes catastrophes du parlant, ce qui est arrivé à Keaton, car c'est vrai qu'on a perdu brutalement un des plus grands comiques du cinéma, mais ça a été radical. Le caractère impassible, le côté plutôt un peu jeune homme de bonne famille, plutôt, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt cette tendance-là, le petit chapeau plat qui restera sa marque pendant très longtemps, même s'il l'abandonne à la fin du muet. Pas de démarche particulière. En dehors de son masque et de ce chapeau, il n'a pas vraiment de caractéristiques particulières. Il est le moins caractérisé, en fait, des burlesques de l'époque. Ce qu'on remarque évidemment, c'est l'extraordinaire agilité par rapport à ce masque, ça c'est sûr. Immobilité et extrême rapidité. C'est-à-dire que vous avez un moment, il s'immobilise, et juste après, réaction, et c'est une flèche qui fonce. Enfin, c'est-à-dire que c'est cette espèce de caractéristique d'un personnage qui est jamais, soit en rêve, quasiment en état cataleptique, ou au contraire, en pur mouvement, comme un boulet qui fonce. C'est tout. Dans ce cas, en revanche, frappe aussi chez lui, c'est sa petitesse. Il en joue. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Son personnage même est un personnage qui est un acrobate, dans le sens non plus maintenant seulement physique, ce qu'il est, mais je dirais métaphysique. C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé, pour exister, de faire des acrobaties pour constamment retomber sur ses pieds dans l'existence et dans la vie. Ce qui implique la vraie raison, à mes yeux, maintenant esthétique et non pas circonstancielle, de son visage. C'est un personnage qui, exactement comme un acrobate, qui est tellement obligé de se concentrer dans son monde, dans son numéro, qu'il ne peut pas se distraire. Donc, ici, il développe ce phénomène de l'acrobate, il le développe sur tout un personnage qui est tellement conscient de la responsabilité de son existence qu'il ne peut pas se payer le luxe de la moindre distraction, donc obligé d'avoir ce visage tout à fait impassible, aux aguets, toujours prêt à s'adapter à une circonstance qui lui sera contraire. Mon genre personnel d'humour est un visage de bois. Sur l'écran, je conserve un masque impassible en toutes circonstances, qu'il s'agisse d'amour, de mariage, d'enterrement ou de baptême. Autour de moi, les gens sont frémissants de joie, tremblants de crainte, affectés par les larmes. Mon visage, lui, reste de bois. Sur l'écran, je suis le type qui n'a pas le sens de l'humour. Mon masque reste impassible alors que je fais rire tout le monde. C'est dans le contraste que réside le comique. Un homme qui est anormalement petit ou grand devient immédiatement comique. Mais il est toujours prudent de se souvenir que dans la réalité de la vie, il ne peut s'en rendre compte lui-même. Il y a ce visage, d'une part, et d'autre part, il y a aussi chez lui cette espèce de volonté de montrer ce caractère d'acrobate. C'est-à-dire que si tout, métaphysiquement, implique ce numéro d'acrobatie, il faut aussi qu'il montre qu'il est un acrobate. Et il n'y a pas un film de Keaton où il n'y a pas un numéro d'acrobatie de renommée mondiale. Il y a des exploits de Keaton qui pourraient être aux records mondiaux. Justement des chutes, par exemple, lorsqu'il saute d'une falaise pour plonger, lorsque une maison de 5 tonnes lui passe sur le corps, il ne passe qu'à travers la fenêtre, une petite fenêtre, et c'était calculé, dire on a fait qu'une prise, et l'opérateur lui-même l'a tourné en se fermant les yeux, parce que s'il avait 5 cm de chaque côté pour laisser passer le corps, sinon il était mort. Enfin, quand on voit tous ces exploits de Keaton, en effet, il était obligé de montrer ce caractère d'acrobate qui est, pour moi, le propre même de Keaton. Et ce qui lui donne justement cette dimension, là, c'est dit, cette dimension du tragique de Keaton, car en fait, Keaton est un personnage comique, parce que c'est un personnage tragique, c'est-à-dire qu'il a son comique vient de cette espèce de conscience de l'importance de l'être humain malgré la fantastique fragilité de l'être humain. D'où là le travail qu'il fait sur sa petitesse, sur son aspect chétif, sur ses malingres. Il est a priori celui qui ne peut que perdre, mais il a pour lui d'où l'autre nécessité de l'acrobate, il a pour lui l'intelligence, donc le calcul. Lui, avec le calcul, peut rectifier et s'emparer du monde. Et ce jeu de l'acrobate renvoie donc à ce jeu de l'homme qui est le plus fort sur l'univers, enfin qui est le maître de l'univers, alors que a priori tout devrait le détruire. Et cette tragédie comique, je pense, est l'essentiel du personnage keatonien. Et c'est là où il est quand même très différent de quelqu'un comme Chaplin, qui, lui, n'est pas tragique. C'est un dramatique, c'est un mélodramatique, mais c'est pas un tragique. Plus comique dans le sens, parce qu'il est plus perméable, mais que le comique de Keaton est tellement essentiel, ou je dirais presque consubstantiel à l'univers, qu'il ne pourra que toujours marcher, puisque en permanence, c'est comment triompher des lois qui vous sont contraires. Oui, là encore, l'univers de Keaton est un univers qui, justement, joue la loi. D'abord, le personnage lui-même est un personnage loyal, c'est-à-dire qu'il respecte les lois. Vous ne verrez pas un Keaton brigand, voleur, assassin. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Keaton est au contraire quelqu'un qui veut respecter la société et qui marche droit dans la société, etc. Il ne comprend pas qu'on puisse ne pas être tout à fait juridiquement propre. Ce qui n'empêche pas, évidemment, que même du point de vue social, toutes les lois se retournent contre lui. Bon, là, je pense que de ce point de vue, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Keaton, c'est, du point de vue social, c'est Cops, enfin, les flics, où il commence tout à fait par hasard à être en effet complice d'un vol qui n'est pas du tout, dont il n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'on lui fait, on lui a volé tout un déménagement et qui lui appartient pas évidemment, donc on lui a volé les meubles et il essaye de se retrouver et peu à peu à la fin il se trouve dans un défilé de flics et tous les flics sont contre lui, enfin, mais il l'a tout simplement de par son obstination à être tout à fait dans la loi. Il a été simplement un peu trop loin dans la loi. Résultat, il détraque tout le système des lois. Et à ce moment-là, bon, le monde social, le monde des flics, ne peut que se déverser et débouler contre lui. C'est vrai que c'est un personnage qui, de ce point de vue, restera toujours extrêmement loyal. Il reste loyal à sa fiancée, il reste loyal à son idéal, enfin, c'est un personnage, il reste loyal à son père, bref, chaque fois, c'est un personnage qui doit et veut respecter les lois. Mais il est tellement exigeant, et justement, comme tout personnage absolutiste, qu'obligatoirement, il ne fait que détraquer le système même qu'a priori, il voudrait défendre. Voici le gag. Nous sommes dans la vision des choses. Cet homme est le regard. Regard tendu comme ce guide surréaliste penché au-dessus du wagon. Comme l'éclaireur indien, navigateur sublime, qui sait la vie au bout inversé de sa lorgnette. Comme l'indicateur qui désigne, au bout d'une phrase à facettes, notre territoire de guerre. Cet homme qui nous interroge, cet homme est notre regard. Il dérange. Pierre et Tex. Quand j'étais enfant, moi je voyais surtout des films de Chaplin. Et Charlot était un dieu. Et mon père me disait toujours, oui mais Charlot c'est formidable, mais il y a quelqu'un d'autre qui est Buster Keaton, qui est un comique extraordinaire. Et c'était pendant la période de la guerre, on ne pouvait absolument voir aucun film de Keaton. Moi j'avais vu Les Temps modernes juste avant la guerre. Et puis on pouvait encore... à cette époque-là, loué en 8 mm des petits films de Charlot, mais il n'y avait pas de Keaton, curieusement. Il était retiré du marché, tous azimuts. Et mon père m'en parlant souvent, j'étais presque irrité à cette idée qu'on puisse me parler de Keaton aussi bien qu'on pouvait parler de Chaplin, et me dire que c'était quelqu'un d'aussi extraordinaire. Et j'ai découvert Keaton en 62, donc, lorsqu'il est venu à la Cinémathèque. Et jusqu'alors, je n'avais vu aucun film de Buster Keaton. Mais avant 62, quelle image vous faisiez-vous de Keaton, d'après ce que vous disait votre père? Ben, je me faisais l'image d'un comique... Enfin, de ce qu'il était, parce que mon père m'en parlait fort bien. Il me disait qu'il avait des gags extraordinaires et qu'il était doublé d'un acrobate et d'un acteur prodigieux, ce qui est vrai. Il y avait une espèce d'autonomie dans tout ça... Enfin, c'est monolithique. Il y a le côté scénariste, interprète et metteur en scène qui sont complètement indissociables. Et je crois que c'est la perfection dans le genre. Parce que le comique est une chose extrêmement fragile. Et il ne s'est jamais appuyé, si vous voulez, complètement sur sa personnalité comique. Et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus forte. Il a soigné le gag formidablement, la mise en scène formidablement et le rythme interne d'un scénario pour qu'il n'y ait jamais de temps mort, pour que tout soit brillant. Et c'est un supplément, si je puis dire, qu'il nous offre par sa personnalité comique. Et cette faculté de concentration qu'il avait sur les choses, parce qu'il a fait beaucoup de musicals, cette faculté de concentration est évidente dans tous ses films. Et c'est ce qui fait l'objet même de son comique. C'est-à-dire que, ça je m'en faisais assez bien l'idée à travers ce que mon père me disait. Il me disait, il était toujours imperturbable devant l'adversité. Et c'est de là que naissait le comique. Et un jour, quand on a demandé à Keaton pourquoi il était comme ça, qu'il ne riait jamais, puisqu'il y avait ce slogan imbécile, l'homme qui ne rit jamais, etc., comme si c'était la clé, il disait, je n'ai pas le temps de rire, je suis trop concentré sur ce que j'ai à faire. Jean Douché. Le Chaplin n'a jamais digéré Keaton, profondément. Hein? Keaton, je crois qu'il se fichait de Chaplin. Il devait reconnaître son talent, son génie, sûrement. Mais ce que faisait Chaplin ne pouvait en aucun cas l'intéresser, c'était exactement le contraire. Chaplin, c'est le mime, le mimétisme. Comment Chaplin se transforme en homme, évidemment, en animal, en végétal, en minéral, comment le jeu même du mime joue sur la grimace constamment du visage, etc. Bref, tout s'exprime par le mime et le mimétisme. Keaton, c'est exactement l'inverse. C'est comment ne rien exprimer a priori, sauf par l'extraordinaire intensité du regard. Le regard de Keaton est quelque chose de stupéfiant, de perçant, à la fois un regard de somnambule et un regard totalement perçant. C'est le regard qui en fait est le seul mouvement dans le visage, ce qui donne évidemment ce contraste fantastique. Et c'est vrai que Keaton n'a pas besoin de s'exprimer d'un point de vue de mime. Enfin, il ne joue pas le mime, il est simplement un personnage en situation d'action. De ce point de vue, la grande différence entre Chaplin et Keaton, c'est que Chaplin est l'anglais, et donc un Européen, et son cinéma est un cinéma malgré tout de psychologie, de sociologie, etc., de réflexion, mais à l'européenne. Keaton, c'est réellement l'Américain, c'est-à-dire celui qui est face à l'action et obligé d'agir. Pour moi, c'est vraiment la représentation en comique de l'idéal américain. Keaton réussit toujours. Il ne peut pas ne pas réussir. Il réussit évidemment, ce qui est aussi très comique, c'est qu'il réussit par des moyens qui sont absolument aberrants, mais il réussit quand même à transformer tout à son avantage. Oui, parce que à chaque fois il y a des dérives, on a toujours des situations catastrophiques et qui tout d'un coup deviennent bénéfiques. C'est ça. On peut donner quelques exemples? Oh, il y a plein. La façon tout simplement de se servir des objets. Il y a un court-métrage, je ne sais plus lequel, dans une maison qui est fabuleux pour ça. La maison démontable. C'est ça, oui, qui est prodigieux. Quand il se marie, qu'il achète une maison. C'est ça, qu'il achète une maison, que tout coulisse, il fait monter les placards, descendre les lits, etc. Enfin, dans une espèce de périmètre de 2 mètres carrés, il réussit à faire un appartement de 500 mètres carrés. Enfin, c'est prodigieux d'intelligence, de l'utilisation, de la réinvention de l'utilisation de chaque objet. Bon, je ne sais pas, sinon, par exemple, l'utilisation admirable du paquebot dans le navigateur, avec les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, enfin, l'univers keatonien est un univers complètement onirique, dans le sens surréaliste. Avec cette espèce de réalisme, justement, du surréalisme, et d'un seul coup, le caractère d'étrangeté lié à cette... par exemple, je prends un exemple, parce qu'il est tellement beau dans Steamboat Junior, de toute façon, toute la séquence dans Steamboat du typhon est un monument, enfin, c'est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Mais dans cette séquence, c'est le moment où il est à l'hôpital, dans son lit, il a reçu un coup sur la tête, donc il a une espèce de bloc de glace sur la tête. Donc il croit qu'il est un peu fou, ce qui est logique. Et brutalement, la tempête arrive, la façade et le toit de l'hôpital est soulevé dans l'air, la chambre d'hôpital est complètement en plein air, donc lui se retrouve tout seul alors que tous les autres malades s'enfuient. Lui se retrouve tout seul dans son lit en train de se réveiller, il ne comprend rien du tout. D'un seul coup, son lit est transporté par le vent. Il arrive et il traverse une étable, il y a les chevaux qui le regardent passer, lui regarde passer les chevaux, il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Le lit continue toujours, il traverse l'étable et dans ce coup, il se retrouve avec une façade qui va s'écrouler sur lui, etc. Enfin, un univers tout à fait réaliste, mais tellement en dehors de son propre univers que le jeu vient justement de cette opposition entre deux univers parallèles. L'univers du rêve ou l'univers de l'écran, si on veut, et l'univers du réel. Pendant les années folles, nous nous amusions follement à tourner des films fous. On travaillait dur. Nous suivions l'écriture du scénario du début au stade final. Chaplin, Lloyd, Harry Langdon et moi collaborions étroitement avec nos auteurs. Nous choisissions les décors, la distribution, les extérieurs, partant fréquemment en repérage avec un assistant pour les chercher, puis les aménager à notre convenance. Nous dirigions nos propres films, mettions au point nos propres gags, assistions aux projections des rushs, supervisions le montage, organisions les previews. Comparativement à notre façon de travailler, je suis atterré par le je-m'en-foutisme des comiques d'aujourd'hui. C'est probablement l'une des raisons de la dégénérescence du comique depuis l'avènement du parlant. Ce n'est pas la seule. Au temps du muet, tout nous était permis et nous osions tout. Aucun financier sans humour ne nous contrôlait. Nous seuls décidions de ce qu'il fallait mettre dans un film pour arracher les rires du public. Tout ce que nos employeurs demandaient, c'est que nos films rapportent des fortunes. Ce qui était le cas. Et il tourne. 1923, Les Trois Âges, ou la carte du tendre entre l'âge de pierre et l'époque moderne. Anachronisme. 1923. Les lois de l'hospitalité. Roméo et Juliette en western, Keaton est l'amoureux, le trapéziste et l'acrobate. 1924. La croisière du navigateur. Dans un paquebot à la dérive, des poulies pour faire la vaisselle, Keaton en scaphandre pour sauver sa fiancée. Dans le navigateur, le gag qui fit flop était mon préféré et avait coûté très cher. Après l'avoir imaginé, je fis fabriquer par les accessoiristes 1200 poissons en caoutchouc de 15 cm, lesquels furent suspendus à des fils invisibles. Pour les faire évoluer devant l'objectif, on utilisa une grosse machine ressemblant à une rotative de presse. Nous obtenions ainsi l'effet d'un banc de poissons entraîné par un courant sous-marin. Là-dessus arrivait un gros poisson qui ne parvenait pas à couper le cortège. Pour lui venir en aide, je saisissais une étoile de mer collée à un rocher, l'attachais sur ma poitrine et commençais à régler la circulation piscicole comme un sergent de ville. Je lève la main, le banc de poisson s'immobilise. Le gros poisson traverse, puis je redonne le feu vert au banc de sardines. D'après moi, c'était l'un des meilleurs gags visuels que j'ai jamais trouvé. Je continue d'en être convaincu. Il fut inséré dans la bande-annonce du navigateur et le public hurla de rire. Mais quand le film entier fut projeté en avant-première à Long Beach, mon gag aquatique tomba à l'eau. Le même échec se reproduisit à la preview de Riverside, puis dans d'autres localités. Il nous fallut un bon bout de temps pour comprendre pourquoi cet excellent gag tombait en quenouille. Il y a toujours une raison pour que le public renâcle devant un effet comique garanti irrésistible. J'ai d'abord pensé que les spectateurs s'étaient trop intéressés au trucage lui-même pour être amusés. Or, c'était tout autre chose, puisque dans la bande-annonce, tout le monde exposait de rire. Ceci me donna enfin une réponse satisfaisante. Le public qui voyait le film en son entier acceptait les autres gags, car ils étaient en situation et n'empêchaient pas le héros de sauver la jeune première. Mais quand je me mettais à jouer les flics de la circulation sous-marine, j'interrompais mon sauvetage pour faire quelque chose de totalement gratuit. abandonnant pour un temps précieux l'héroïne à son triste sort. Je coupais le gag, c'était la seule solution. Sherlock Junior, l'histoire même du cinéma, le projectionniste détective, par amour encore. Penché, endormi, l'homme au masque blanc culbute atteint sa cible, tombe dans la montagne, plonge dans le sable, quitte la mer, traverse l'écran, prend le voyeur à témoin. L'image transcende. La tourmente va du plus profond du champ vers cet homme obscur qui regarde, tragique et multiple, jouant ses propres risques, spectateur actif. Et retourne à son rêve, à travers l'écran, au milieu des bobines, cascade acrobatique, faite dans l'espace, l'histoire et la mémoire, comme sur un papier calque. 1925, Fiancé en folie. La plus grande poursuite de l'histoire du cinéma, des centaines et des milliers de femmes répandues dans les rues, à la recherche d'un Keaton qui leur échappe. Ma vache et moi, dans un ranch, la tendresse d'une vache ou l'amour d'une femme. Jean Douché. Il n'y a pas de mystère. Un comique met toujours en scène. S'il est mis en scène par d'autres. En fait, quand un grand comique est obligé d'avoir la maîtrise de l'espace. Par exemple, il a besoin de tout le corps pour faire le gag. Si on lui met la caméra sur le visage, le gag fout le camp. Donc c'est lui qui doit imposer. Lui sait comment il va jouer son comique, et donc lui seul peut imposer la place de la caméra. Et on n'a pas vu jamais vu un comique ne pas imposer dans les vraies scènes comiques, c'est-à-dire les scènes où il doit être comique, l'emplacement de la caméra et finalement disposer la mise en scène. C'est vrai pour De Funès, c'est vrai pour Bourville, c'était vrai pour Fernandel, etc. Enfin, je veux dire, même s'ils n'ont jamais signé de mise en scène réellement, ils étaient maîtres de la mise en scène au moment où ils avaient leur numéro comique. Alors, quand vous tombez chez les très grands comiques, style Keaton, style Chaplin, style Harry Langdon, ou style les Marx Brothers, curieusement, ce sont des gens. Enfin, les Marx Brothers n'ont pas signé. Mais obligatoirement, ce sont des gens qui signaient, qui à la fin prenaient la mise en scène en main. Et Keaton, c'est d'une telle précision spatiale, puisque tout est fait sur l'espace, qu'il ne pouvait que prendre la mise en scène en main. Il ne pouvait pas la laisser. C'est pas possible. Tout joue sur des trajectoires, des moments extrêmement précis. Tel espace qui doit jouer de telle façon, tel autre espace qui doit jouer de telle façon. Depuis 1919-1920, il a pris en main la mise en scène. Alors, maintenant, il est aidé par un autre collaborateur qui signe la réalisation, mais en fait, il a toujours mis en scène. Il n'y a pas un plan de Keaton qui ne se reconnaisse pas. C'est vraiment le cadrage keatonien, la mise en scène keatonienne qui s'impose. Non, de ce point de vue, Keaton ne pouvait que mettre en scène. Ce n'est pas possible autrement. Bon, c'était l'époque, hein, c'était tout le burlesque. Le burlesque a été vraiment le burlesque en 1912-1913, lorsqu'il s'installe à Hollywood, pour copier d'ailleurs le burlesque français. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est une histoire de concurrence et de gros sous. Le cinéma français avait un triomphe mondial à l'époque par le burlesque et par les comiques. Et il fallait donc, pour imposer le cinéma américain, introduire et piquer aux Français ce burlesque, donc fabriquer du burlesque, etc. C'est pour ça que c'est né à l'époque. Et ça s'est fait, en effet, d'une façon tout à fait folle, avec improvisation constante, etc. Les conférences de scénario durait généralement de 10 à 18 heures au studio. On travaillait 6 jours sur 7, mais sans rigidité, et nous prenions souvent un samedi après-midi pour assister à un match de football. Mes meilleures idées ne me venait jamais pendant les discussions. Elle jaillissait la plupart du temps à la maison, et plus spécialement dans l'endroit le plus retiré. De même, la pêche à la ligne m'inspira souvent d'excellentes histoires. La distribution de ces courts-métrages n'était guère abondante et dépassait rarement trois personnages principaux, à savoir l'héroïne, le méchant et moi. Le personnage féminin n'avait guère d'importance et n'était qu'un prétexte à la bagarre entre le méchant et moi. L'actrice devait être jolie et, si possible, posséder quelques notions de comédie. Elle n'avait même pas besoin d'avoir le sens de l'humour en ce qui me concernait. Je redoutais qu'elle ne se mette à rire au milieu d'une séquence, nous obligeant à la refaire. Si bien que, comme dans toutes les grandes époques où il y a eu comme ça, des grands moments de comiques, par exemple Molière, etc., c'était une époque où vous avez un corps, c'est-à-dire toute une constitution où beaucoup de troupes font du comique, etc., et où on s'inspire, on vole, on pique aux uns aux autres. Tiens, celui-là, il a une idée, allez, on va la refaire, on va la faire mieux, etc. On réimprovise sur des schémas, sur des canevas, exactement aussi comme par exemple Plaute, etc., chez les Romains, ou même Molière. Finalement, Molière a repiqué quand même des pièces directes, presque mot à mot, de Plaute, ou de Don Juan, c'est quand même pas, a priori, c'est pas lui. C'était tout à fait logique de retravailler comme ça. Donc, ce travail de Keaton, il fait exactement ce que les autres font. Malgré tout, la grande chose intéressante chez Keaton, c'est qu'il le fait quand même 10 ans plus tard. Lorsqu'il commence en 1917, on est encore dans la grande époque des burlesques, des Max Sennett, des Holroyd, etc. Et d'ailleurs, quand il commence avec Fatih, c'est dans cette lignée-là. Donc c'est normal que là, il ait pris l'habitude de ce travail improvisé au jour le jour, où tout le monde se travaille dans l'enthousiasme, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il a conservé cette méthode, alors qu'en même temps, tout son cinéma oblige à un côté extrêmement méticuleux, où en effet, tout est calculé. Ce qui continue à faire que Keaton est aujourd'hui un auteur qui nous fait autant rire qu'il y a 50 ans, et qui fera autant rire dans 50 ans, c'est que justement, il a pu conserver ce phénomène d'improvisation dans un système aussi maîtrisé que le sien. Mais de toute façon, là, il faudrait quand même aborder une chose qui est le propre même de Keaton, c'est-à-dire, quand je parle de calcul, le travail, en fait, originel, qui vient de l'origine de Keaton, c'est-à-dire le fait qu'il soit un acrobate. L'acrobate est obligé de calculer son coup. Quand vous faites du trapèze, bon, ben, il n'y a pas de problème, c'est à la fraction de seconde près, hein. Vous lâchez, et si vous n'avez pas bien travaillé exactement et minuté, enfin, c'est même pas minuté, c'est secondé, je dirais, votre numéro, c'est la mort. Le corps de l'homme acteur, comme notre propre corps, dans l'impossibilité à être au monde. Nous devenons ficelle, poulie, courroie, transmission, étrange mécanique dans la féerie du jeu, touchée par la grâce du rire et de la magie. Le dernier round. Il faut bien être champion de boxe pour conquérir sa belle. 1927. Sportif par amour. Au collège, il faut du muscle. Il faut aussi gagner la course pour conquérir le cœur de la belle étudiante. 1927. Le mécano de la générale. Amoureux de sa locomotive, amoureux d'une femme. Dans sa locomotive, il y a la photo de sa fiancée. Et chez sa fiancée, il y a la photo de la locomotive. Keaton, héros de la guerre de sécession, par amour. 1928. Cadet d'eau douce. Entre typhon et vieux bateau, miracle permanent, les voici tous sauvés des eaux. 1928. Le caméraman. Grâce à son petit singe qui a filmé son exploit, on reconnaît sa valeur, d'homme et de caméraman. 1929. Le figurant. Spite marriage. La jeune première l'épousera par dépit, abandonnée par le jeune premier. Fin du muet, fin du premier acte. À cette époque, Keaton signe un contrat avec la MGM. Il abandonne sa liberté et il va travailler avec les géants d'Hollywood. Il tourne des films parlants que la Metro veut commercialiser internationalement. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à Claude Autant-Lara pour collaborer avec lui. Bien, la première fois que j'ai vu Buster Keaton, c'était assez extraordinaire. J'avais reçu sur mon bureau là-bas à Hollywood ce qu'on appelle un assignment. Un assignment, ça veut dire que vous êtes assigné à faire la réalisation d'un film. Alors, on trouve une note sur son bureau et l'un des directeurs de la métro m'a dit, nous allons aller voir Buster Keaton tout de suite. Je lui dis, on va chez lui. Il dit, non, il a une petite villa à l'intérieur. Il faisait partie déjà des très grandes vedettes de la Metro-Goldwyn et il avait à l'intérieur du studio même sa propre petite villa. Et je suis arrivé chez lui, conduit par ce personnage, et il était surpris de me voir arriver, et on lui a dit, ben voilà, vous allez faire un film avec Monsieur Autant-Lara. Alors, il a dit, ah oui, ah bon, je suis pas au courant, ah bon. Alors, il dit, ben, vous allez faire Parlo, Bedroom and Bass. Mais il dit, ce film-là, je l'ai déjà fait. Ben, je dis, oui, mais il s'agit de le faire en français. Mais il m'a dit, I don't speak French. Je dis, ben oui, mais vous parlerez français quand même. On arrangera les choses de manière à ce que ce soit pour vous quelque chose de facile. Il m'a dit, mais moi, je suis absolument pas au courant de tout ça. La direction de la métro ne l'avait pas mis au courant. Il y a eu un moment de gêne assez bizarre, assez singulière. Tel a été mon premier contact avec Buster Keaton. Mais après ça, ça a été extrêmement cordial, car c'était un garçon charmant, très gentil. Et il avait d'ailleurs une très grande estime pour la France. Et le fait de le faire en français, c'était quelque chose qui le touchait beaucoup. Et il était prêt à faire tout l'effort nécessaire pour que cette version française d'un film américain, bien sûr, soit la meilleure possible. Ce film dont vous parlez, c'était un film parlant déjà ? Ah oui, c'était un film parlant. Il avait fait en quelle année ? Il y parlait très peu. On avait arrangé les choses de manière à ce que son dialogue soit limité au maximum, de manière à ce qu'on puisse le doubler. Mais il s'y est prêté de très très bonne grâce et avec une grande gentillesse. Et c'est en quelle année que vous avez fait ce remake ? Je crois que ça s'appelle c'était comme ça. En 31. Alors, c'était déjà une grande vedette. C'était un film tout à fait anodin qu'il avait fait. C'était pas du tout dans les grands films de la valeur de ceux qu'il avait fait précédemment et plus tard. C'était vraiment une espèce de petite comédie d'une banalité rare, il faut bien le dire. On avait choisi ça vraiment. Je ne sais pas pourquoi la direction de la Metro-Goldwyn avait choisi ce sujet. Il déplorait lui-même d'ailleurs que le sujet soit aussi faible. Alors, en lui parlant justement du scénario, je lui avais dit, mais je crois qu'on pourrait améliorer certains passages, faire ceci, faire cela. Je lui avais donné quelques idées. Il y avait souscrit de très bonne grâce. Et on a commencé à tourner avec ces modifications. Ça n'a pas duré plus d'une matinée. On me surveillait dans mon dos. Et à la première modification du scénario de la scène que nous avions modifiée, justement pour essayer de l'améliorer, on a tout arrêté. J'ai été arrêté et qu'on a suspendu le tournage jusqu'au moment où, dans l'après-midi même, on a fait venir sur le plateau une moviola avec le film américain. Oui. En me priant, c'était une injonction formelle, de me conformer exactement et sans rien y changer à la scène du film américain et à en tourner simplement une pure et simple traduction française. Nous étions un peu consternés quand même, un peu gênés, c'était vraiment une atmosphère assez délicate. Nous étions en pays étranger, bien sûr, et nous étions sous la domination des maîtres du fameux front office de la métro. Et je dois dire que je comptais sur Buster Keaton pour m'aider à réagir un petit peu, à rouler dans les brancards. Hein. Oui. Et là-dessus, alors, je n'ai pas eu son assistance, son aide. Il a simplement obéi de son côté. Et il n'y avait pas d'autre chose à faire, d'essayer d'amener quelque chose de nouveau, d'un peu plus français peut-être, d'un peu plus facile pour le public français. Il fallait purement et simplement copier le film américain. C'est pour ça que les films que j'ai fait avec lui, pour moi, en dépit du contact que j'ai eu avec ce garçon, qui pour moi avait un génie comique extraordinaire, n'a pas été aussi heureux que je crois il aurait pu l'être si on nous avait un tout petit peu laissé la bride sur le cou. Mais j'ai l'impression que ce que vous racontez est un petit peu l'image des brimades, je dirais, que subissait Buster Keaton à la MGM. Car lorsqu'il a commencé à être en contrat avec la MGM, je crois qu'on lui imposait des scénarios, on ne le laissait plus tourner les films comme il l'aurait aimé. À la fin, on a utilisé Buster Keaton et son génie comique qui était indiscutable, à mon avis bien plus grand d'ailleurs que celui de Charlie Chaplin. On a quand même eu l'intelligence pour 3 ou 4 films qui sont Hospitality, les lois de l'hospitalité, La croisière du navigateur, Le mécano de la générale. On a quand même utilisé ces idées, car il faut bien se dire que Buster Keaton n'était pas simplement qu'un comique. C'était les films dont je vous parle, là, qui sont vraiment parmi les meilleurs et parmi les plus remarquables du cinéma comique américain, sont des films qu'il a réalisés lui-même et où il pesait de tout son poids. Mais c'était des films qui n'avaient pas un excellent esprit, disons légèrement anticonformiste. Ça n'a pas duré très très longtemps, car c'était un garçon très, comment dirais-je, qui était un peu frondeur d'esprit. Bien sûr, par moments, il était obligé de se plier aux volontés de ce fameux front office, mais il a quand même pesé de tout son poids et tant qu'il a pu pour essayer de faire des films qui aillent un peu plus loin que le pur et simple comique. Oui, et vous avez fait ensuite avec lui un second film, je crois. J'ai fait un autre film pour lequel nous avons essayé de batailler, mais il n'y avait vraiment rien à faire. L'imposition des magnats du cinéma américain était de prendre des films qui avaient eu un grand succès en Amérique et ils disaient ces films-là auront aussi un grand succès en France, ce qui est quand même... d'abord un peu insolent, il faut bien le dire, et d'autre part quelque chose d'assez inexact. Ce n'est pas une raison que si les Américains rient à quelque chose, que les Français soient obligés de rire à la même chose, et vice versa d'ailleurs. Oui. Et vice versa. Le rire, c'est très très spécial, vous comprenez. Il y a, à mon avis, il y a 3 genres de comiques, vous comprenez. Premièrement, il y a le comique de dérision, le comique de bonne blague, de moquerie de son voisin, qui est sourdement méchant. Et je ne l'aime pas, ce comique-là, c'est le plus facile. Le comique de petits effets, tarte à la crème et autres. De la tarte à la crème, considérée comme un des beaux-arts. Je fis confectionner par les pâtissiers du studio des gâteaux selon la recette originale de 1917. On n'utilise pas de crème pâtissière. Si la cible est une blonde, on garnit la pâte d'un mélange de mûre, farine et eau, le tout nappé de crème fouettée. Si c'est une brune qui réceptionne le gâteau sur la figure, on remplace la compote de mûre par du blanc d'œuf monté en neige avec du citron, ce qui, à l'image, ressort mieux sur un teint mat. Il faut faire cuire 2 pâtes, feuilletées à l'intérieur, brisées pour l'entourage extérieur, ceci afin que quand on saisit le gâteau à pleine main, il ne s'émiette pas entre les doigts avant d'avoir été lancé. On n'utilise jamais de fond de moule métallique pour éviter tout risque de blesser le partenaire, ce qui pourrait se produire quand le fond se sépare du gâteau au moment du choc. Le lancer à courte distance, d'un à 2 mètres, est appelé en termes techniques dépotage. Et c'était un bon dépotage que j'allais administrer à la délicieuse Alice Faye. Tarte ? Cet homme est tarte, dites-vous ? Cet homme porte comme un chapeau tarte, comme un regard tarte. Tous les méplats lui sont permis. Cet homme est le regard qui porte un chapeau tarte, une recette à toute épreuve. Ensuite, il y a le comique de destruction, le genre « je casse tout, je démolis tout, même le plus précieux ». Ça fait rire, évidemment. Ça, c'est le comique... C'est Laurel et Hardy, ça, non ? C'est ça, c'est le comique juif par excellence, n'est-ce pas ? Celui qui est le mieux illustré que par les Marx Brothers, comprenez ? Et puis, troisièmement, il y a ce que moi j'appelle le comique de situation, vous comprenez ? Et c'est, à mon avis, de loin le meilleur, pour ne pas dire le seul valable. C'est Molière, c'est Sacha Guitry, c'est Feydeau, c'est Labiche. Ça, c'est le comique français. Aucun de ces comiques n'est pareil, ne peut s'apparenter. Et il est évident que Buster Keaton est celui qui s'est le plus approché de ce comique-là. D'ailleurs, les films qu'il a fait, Le Navigateur, Le Mécano de la Générale, sont des films qui ont eu un succès considérable en France. Et tout le monde a toujours dit, et peut-être que vous êtes tombé au fond à cette période, que Keaton avait été complètement brisé par le cinéma parlant. Pas du tout, parce que les trois films dont je vous parle qu'il a fait étaient des films qui étaient parlants, mais non, j'étais muet. Très peu. Ah, mais le parlant a beaucoup paralysé les comiques. Un acteur comme Charlie Chaplin n'a pas survécu au parlant. Moi, j'étais en Amérique quand on a présenté son premier film qui était City Lights. Je me rappelle, toute la ville de Los Angeles était en ébullition. On attendait le premier grand film parlant de Charlie Chaplin. Et ça a été un bide. Même là-bas, les gens étaient déçus. Ah oui, les gens étaient déçus, très déçus. Et après, à mon avis, les films que Chaplin a fait étaient très loin d'avoir l'importance des films muets qu'il avait fait. Vous avez dit que votre première rencontre s'est faite dans son petit studio à la MGM. Oui. Comment y vivait-il? Écoutez, quel était le décor? Le décor était assez extraordinaire. La Metro-Goldwyn-Mayer, le studio de la Metro-Goldwyn, je ne sais pas, couvrait environ 25 ou 30 hectares, pour vous dire, vous comprenez. Il y avait ce qu'on appelait le backlot, les décors en extérieur, et puis il y avait 21 énormes plateaux gigantesques. Et là-dedans, au milieu de tout ça, il y avait une demi-douzaine de petites villas, mais de vraies petites villas, qui étaient les villas personnelles de tous les grands, de tous les très grands acteurs, John Barrymore, Greta Garbo avait aussi sa petite villa, auquel elle ne venait jamais, elle, jamais. John Crawford avait le sien, Buster Keaton avait le sien, John et d'autres. Il avait donc une petite villa d'un étage dans laquelle il pouvait habiter. Ce n'était pas par tendresse que les Américains faisaient ça, c'était simplement pour leur éviter de la fatigue. Hein. Oui, c'est ça. Et bien les avoir sous la main. Alors, il habitait donc cette petite villa où j'étais allé le voir, pour lui annoncer qu'on allait faire un film ensemble. Et... c'était très curieux parce que la pièce du banc était, on en aurait dit un petit atelier de mécanicien. Ah oui. Il avait une prédilection particulière pour le jeu français de mécano. Et il se faisait des petites constructions en mécano, lui-même. Il s'amusait beaucoup à ça. Et vous dites, moi j'arrivais là. Alors quand j'ai travaillé avec lui pendant un temps, j'arrivais le matin à 9h du matin, ponctuel. Il était là d'ailleurs, très très précis, parce que les acteurs américains ne plaisantent pas. Hein. Ils ne se permettraient pas le moindre retard. Il était là-dessus d'une discipline extraordinaire. À 9h du matin, il était à sa place et son Filipino en Spencer Blanc nous apportait, malheureusement, dès 9h du matin, à boire. Ah oui. On commençait par des long drinks à 9h du matin. Moi je ne touchais à peine aux miens, mais j'aime mieux vous dire que lui. C'était effrayant d'ailleurs, et je déplorais ça, parce que quand on arrivait à midi, il était écarlate, le pauvre. Il buvait trop, et moi je déplorais de voir ce garçon que je considère comme un génie comique se démolir la santé assez sottement, il faut bien le dire, c'était... Regrettable. Mais ceci dit, le travail avec lui était extrêmement cordial. Et alors, ce garçon qui ne riait jamais à l'écran, alors, chez lui, il riait tout le temps. Ah, tout le temps. On n'arrêtait pas de s'amuser et de rire et d'être très, très détendu. C'était assez curieux comme contraste, d'ailleurs. Comme la plupart des jeunes Américains, j'étais passionné de mécanique et passais le plus clair de mon temps à bricoler, réparer, nettoyer, démonter et remonter les moteurs de la voiture et du bateau de 12 mètres que mon père avait modestement baptisé le cuirassé. L'une des maisons proches de la nôtre était celle d'Ed Gray, monologuiste qui se caractérisait par son obésité et sa paresse extrême. J'aimais bien Ed Gray et inventais plusieurs systèmes pour lui éviter le supplice de bouger. Il m'avait dit que l'une des épreuves les plus pénibles de sa vie était de devoir se lever en pleine nuit pour fermer la fenêtre quand il pleuvait. Il me fut très reconnaissant quand j'installais un bricolage lui permettant d'ouvrir et de fermer sa fenêtre à guillotine sans sortir de son lit. « Il reste juste une chose, Buster, pour que ma vie soit un paradis, me dit-il. Mais je crains bien que cette fois, tu ne puisses pas grand-chose pour moi. » Pressé de questions, Ed Gray m'exposa son problème, qui concernait le hangar de jardin situé en haut d'une colline d'où l'on jouissait d'une vue imprenable sur les deux lacs. Cette baraque servait régulièrement de dépotoir, voire de cabinet d'aisance, aux nombreux promeneurs et pique-niqueurs qui venaient admirer le panorama. « Rien n'y fait, dit Ed. J'ai installé toutes sortes de pancartes. Propriété privée, défense d'entrée, attention aux guêpes, et même attention aux chiens méchants. Ces squatteurs s'en foutent. » Afin de faire cesser l'utilisation illicite de ces commodités, je me procurais des charnières à ressorts et découpais les quatre murs de la cabane en panneaux indépendants. Sur ma lancée, je sciais également le toit en deux parties et assujettis chaque moitié aux deux murs opposés. Un tuyau relia la baraque à la maison principale. Dans ce tuyau coulissait un fil de fer où Ed suspendit quelques torchons pour simuler un étendoir à linge. Cela étant, mon copain n'avait plus qu'à s'asseoir confortablement près de la fenêtre et à attendre le client. Sitôt qu'un étranger, ou même un ami, s'installait dans la cabane, Ed tirait sur le fil et la maisonnette s'ouvrait entièrement, révélant l'intrus dans la position du penseur de Rodin, mais sur un socle nettement moins majestueux. C'était pour lui une espèce de détente. D'ailleurs, tout en vous parlant, il continuait à serrer les vis de ses petites mécaniques. Ah oui, oui, je me souviens très bien d'avoir eu une conversation avec lui, parce qu'il ne me connaissait pas. J'avais un avantage pour lui, parce que j'étais un des seuls Français qui parle tout à fait couramment l'anglais. Ah oui, il n'y avait aucun problème. Et alors... Je me souviens très bien, d'ailleurs, je le vois encore en train de fourgonner, de visser, je ne sais pas quoi. Il m'a dit, « Listen, Claude, have you ever made a funny picture? Est-ce que vous avez fait déjà un film comique ?» Et je lui disais, « Et non, je n'avais pas fait grand-chose, d'ailleurs, en tout cas pas de film comique. » Ah, il m'a dit, « Vous savez... » C'est absolument indispensable de faire rire. C'est la chose la plus importante qui existe au monde. Hein? D'abord pour distraire les gens de leurs tristes occupations quotidiennes, d'une part, et d'autre part, c'est le rire, c'est la santé, il me disait. Je crois que tu devrais t'enlever de l'idée que les spectateurs sont des arriérés. Si c'était le cas, le cinéma n'aurait aucun avenir. Keaton tourna ensuite des films parlants. On s'en souvient beaucoup moins, mais des titres comme Le Millionnaire, Buster se marie, Le plombier amoureux, Le professeur, Le roi de la bière font aussi partie de sa filmographie. Il y a cette scène célèbre où il dialogue avec Chaplin dans Limelight, dans le salon de maquillage. Mais pour nous, Keaton reste l'inoubliable acrobate, le risque-tout, le casse-cou imperturbable qui défie la nature. Dans les lois de l'hospitalité, souvenez-vous de cette scène où, sur la rivière, fugitif, à la recherche de sa belle, il arrive au bout de l'eau, à la cascade mortelle. Pierre et Tex. Il a fallu reconstituer fragmentairement cette cascade, puisqu'ils ont tourné en décor réel et puis en studio. Donc reconstituer une cascade, vous imaginez ce que ça représente de mise en œuvre, de structures à bâtir et d'eau à faire couler, à déverser, avec une piscine, etc. Et la prouesse qu'il exécute, c'est une prouesse merveilleuse parce que elle correspond exactement à ce que font certains trapézistes. Étant donné sa formation d'acrobate au music hall et tout le cirque qu'il a pu faire dans sa vie, il met en application tout ce qu'il a appris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu un grand auteur, c'est parce qu'il savait faire quelque chose. Et lorsqu'il est suspendu à une branche et qu'il rattrape la fille qui est entraînée par la cascade, à ce moment-là, on peut considérer que c'est un numéro, je dis, de volant, ce qu'on appelle aussi trapèze volant, oui. C'est remarquable. Je sais qu'il y a un artiste de cirque, un de mes vieux amis, Willy Dario, me disait un jour que lorsque Keaton est passé à Medrano, tous les artistes étaient là tous les soirs pour le regarder travailler, parce que lorsqu'il entrait dans la piste, au lieu d'arriver comme on arrive de plein pied, en franchissant la barrière, il était tout en haut dans les gradins de Medrano, tout en haut, et il loupait la première marche, et il descendait dans une cascade fantastique. Il descendait tout l'escalier pour arriver jusque sur le rebord de piste et placer son menton sur le rebord de piste. Il m'a dit, aucun des artistes qui étaient là parmi nous, des acrobates et des clowns qui ont tous eu une formation d'acrobate au départ, ne se serait risqué à faire cette cascade-là. Et quand bien même il s'y serait risqué, il dit, jamais il n'aurait eu la drôlerie et l'élégance qu'il avait pour le faire. C'était extraordinaire. Moi j'ai vu une photo, un instantané d'un saut périlleux qu'il faisait dans les coulisses de Medrano. Il avait à cette époque-là 50 et quelques années, 53 ou 54 ans. C'est extraordinaire. On voit là vraiment tout un métier acquis. Et je crois que c'est ce qui lui a servi de base pour tout l'ensemble de sa carrière, pour toute son œuvre. Je crois que c'est à travers cette discipline-là qu'il a mieux compris, qu'il a compris tout de suite, en fait, ce que c'était que d'écrire un scénario comique. Car il a bâti un scénario comique exactement comme un acrobate bâtit un numéro. Jean Douchet. Keaton travaille directement le jeu de l'écran. Une double construction, la construction perpendiculaire et la construction horizontale. Construction horizontale, c'est-à-dire la construction même de l'écran, enfin, qui est une surface plane, parallèle au spectateur, et face au spectateur. Donc vous aurez, souvent, même pas souvent, toujours chez Keaton, des surfaces planes qui brutalement vont s'écrouler les unes après les autres, car elles n'ont pas d'épaisseur, puisque c'est l'écran. Donc, obligatoirement, c'est tout l'univers de l'illusion, tout l'univers de la projection, tout l'univers du désir qui s'écroule les uns après les autres. Et, en revanche, la perpendiculaire, c'est l'univers de la projection, c'est l'univers de la volonté de pénétration, c'est l'univers du réel. Et il y aura constamment chez lui, d'un point de vue plastique, opposition entre l'horizontale ou l'horizontalité et la perpendicularité. Alors, évidemment, tous les gags jouent et fonctionnent là-dessus. Le jeu de l'écran, l'écran... en effet l'écran, un personnage sort de l'écran, donc perpendicularité, rentre dans le réel, dans la salle, ensuite on revient dans l'écran, mais en revanche, tout ce qui est l'écran, lui, est fictionnel, donc il n'a pas de poids, il n'a pas d'épaisseur, il peut constamment s'écrouler. Comment toute surface s'écroule, parce qu'elle n'a pas d'épaisseur, c'est l'écran, c'est l'univers de la fiction. Ce qui est certain, c'est qu'il a ouvert des voies formidables pour le comique, dont on ne s'est peut-être pas très bien rendu compte dans le temps. Lui-même ne s'en est probablement pas rendu compte. Des prolongements, il l'a dit d'ailleurs souvent, il a dit qu'il ne savait pas qu'il faisait une œuvre impérissable, qu'il faisait simplement un divertissement. Et je crois que c'est le secret, en fait, c'est le secret de sa réussite, c'est qu'il n'a pas eu de prétention. Il a voulu divertir, c'est son propos, et il ne s'est jamais appuyé sur autre chose, sur aucun autre argument. Il y avait d'une part la présence d'un homme... dans l'espace, comme ça, l'utilisation d'un décor. En général, quand on parle de films comiques de cette époque-là, tout est agencé pour que le comique puisse s'exercer. Et là, d'un seul coup, je voyais un homme dans la nature et qui se servait de cette nature. Et ça m'a beaucoup frappé. Et autre chose qui m'a frappé bien davantage, c'est la force comique que peut avoir un objet en soi, c'est-à-dire la vraie valeur de cinéaste de Keaton. C'est-à-dire que lorsqu'il est absent de l'image, il y a quand même l'effet comique. Et je prends à dessein le Creuseur du Navigateur, puisqu'à un moment, il a un jeu de cartes dans la poche, et il est tombé à l'eau plusieurs fois, et lorsqu'il revient sur le pont du bateau et qu'il veut faire une réussite, il sort de sa poche ce jeu de cartes qui colle. Et il y a un gros plan sur ses mains qui essaye de faire tous les exercices que l'on fait en manipulation, c'est-à-dire de faire des mélanges en entrecroisant les cartes. Et elle reste collée et retroussée. Il essaye d'enfiler les deux paquets, les deux moitiés de paquets l'un dans l'autre. Tout s'écrase comme du chewing-gum. Lorsqu'il veut distribuer les cartes ensuite, ce sont simplement des morceaux qui se collent à ses doigts. Et ça, on ne voit plus Keaton, on ne voit plus le personnage. On voit simplement ses mains avec les objets. Et ça, c'est d'une force comique incroyable. Je veux dire que je crois bien que jamais je n'avais autant ri qu'à cette séquence-là. J'étais entouré de gens qui, bien sûr, étaient complices, parce que c'est ça aussi le merveilleux du comique, c'est que on ne peut pas venir voir un film comique en curieux, on doit venir le voir en amoureux, et tous les gens qui étaient là étaient venus pour rire, et ce rire était tellement communicatif, il y avait une telle communion entre les gens qui étaient là, qu'on sentait très bien que les mêmes choses nous amusaient au même moment. C'était merveilleux, et je dis, je crois bien, et je suis même persuadé que je n'avais auparavant jamais autant ri. L'homme au masque blanc nous mène dans son autobateau, dans sa cuisine à gags, sur ses vélos porteurs ou ses trains fantômes. Sa mécanique absurde et démontable, comme on regarde à travers un hublot l'immense et transparent désert qui nous sépare de notre voisin de fauteuil ou de comédie. Il n'y a jamais, chez Keaton, un attendrissement sur soi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une démission. Il vainc les difficultés les unes après les autres. C'est un élément extrêmement positif et important dans le comique, c'est-à-dire que cet homme est perpétuellement en proie avec des difficultés et essaye de les résoudre et les résout, non pas par le moyen qu'il a choisi mais par d'autres qui sont au moins sinon au moins héroïques. Et qui arrivent souvent malgré lui. Qui arrivent toujours malgré lui. Chez Keaton, ce qui est frappant, c'est le souci de la construction du gag. Il y a à l'intérieur de ses films une multitude de gags, enfin quand je dis une multitude, énormément de gags qui sont des petits scénarios en soi et qui racontent l'histoire. Ce ne sont pas des choses plaquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet comique qui n'ait une relation directe avec le sujet qu'il traite. Dans le début de la Creuseur du Navigateur, je le raccourcis en un plan qui est un gag en soi, c'est la promenade avec le chauffeur, le fait de traverser la route en voiture et de revenir à pied lorsqu'il a vu sa bien-aimée, c'est un gag extraordinairement drôle qui raconte déjà une histoire. Avec ça, on n'a pas besoin d'avoir de dialogue, on a tout compris. Et on a tout compris de son désappointement sur un gros plan à la fin de la canne qui traîne sur le sol alors qu'il la portait allègrement avant, il la laisse traîner derrière lui et elle disparaît derrière un buisson. Et ce plan-là est drôle. Là encore, c'est l'utilisation de l'objet qui devient une chose drôlatique parce que c'est très bien imaginé, parce que c'est très bien mis en scène, parce qu'il n'y a pas deux façons de voir les choses, il n'y en a qu'une et elle est efficace. Je dois dire que c'est un maître, quoi. Keaton vous a influencé vous-même? Si je l'aime tellement, c'est parce qu'il y a un accord profond dans mes goûts. C'est-à-dire que j'avais fait mon premier court-métrage avant de voir un film de Buster Keaton. Et curieusement, dans ce premier court-métrage, il y avait un homme aux prises avec des objets. Mon souci était de... Peut-être parce que, plus ou moins consciemment, je me fixais sur des choses dont mon père avait pu me parler. Je ne sais pas, mais enfin c'était un goût certain pour l'adversité des objets. Et le premier court-métrage que j'ai fait était basé précisément sur la dualité entre un homme qui veut écrire et la plume qui ne veut pas, et le papier à lettres et l'encre. Donc j'étais comblé quand j'ai découvert Keaton, et en même temps complètement bloqué parce que je me suis dit mais c'est tout ce que j'aime et que je ne pourrais jamais arriver à faire. Jean Douché. Le grand univers de Keaton, c'est un univers schizophrénique, schizoïde, enfin, cette impossibilité d'être réellement adapté au monde. D'emblée, on est inadapté. D'emblée, il y a cassure entre soi et les autres. Et on ne peut communiquer que par la rêverie, on ne peut communiquer que par l'intellect, on ne peut communiquer que par la pensée. On n'a pas de prise, de préhension directe. Vous parliez tout à l'heure de sa destinée tragique. Oui. Je trouve que c'est regrettable que cet homme ait été privé du son au moment où le son est arrivé. Parce qu'il y a dans toute l'œuvre de Keaton une grande frustration de l'absence de son. Et on voit très bien ce qu'il aurait pu faire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a très très bien compris ça, c'est Tati, 30 ans plus tard, qui d'un seul coup a amené au cinéma comique le son comique, c'est-à-dire des jours de fête. On entend des poules caqueter, on entend un chien qui aboie au loin. Dans Jour de fête, il y a tout ça, le coq qui chante le matin. Et puis, lorsqu'on se cogne la tête sur un poteau, ça fait un bruit très particulier qui est risible. Toute cette composition de sons qui accompagne l'image apporte une dimension supplémentaire au film. Et chez Keaton, il y a cette frustration parce qu'on sent très très bien qu'il l'évoque toujours dans ses films, le son. Regardez dans Navigator, quand toutes les portes des cabines s'ouvrent en même temps et se referment derrière lui, si on entendait le claquement des portes, ce serait encore plus probant lorsqu'il sursaute et se retourne. Il y a l'évocation du son avec le tourne-disque qui se met en marche. Il y a toujours un chien qui aboie aussi chez Keaton, un téléphone qui sonne, et il éprouve toujours le besoin de montrer, de faire un plan à chaque fois sur l'objet qui émet un son, pour qu'intellectuellement on fasse l'effort de comprendre ce qui se passe. C'est difficile de retrouver ceux qui ont entouré Keaton. Et pourtant, il suffit parfois d'une chance. La chance, tout à coup, de composer un numéro de téléphone et de retrouver, en bout de ligne, à Hollywood, Eleanor Keaton elle-même, sa troisième femme qui a la gentillesse aujourd'hui de témoigner pour nous. À l'époque où elle l'a rencontré, Buster Keaton était en plein cinéma parlant. Well, when I met him in 1938, and we were married in 40. And most of that time, he was on the writing staff at MGM Studios. Je l'ai rencontré en 1938, et nous nous sommes mariés en 1940. Et à ce moment-là, il travaillait beaucoup au studio de la MGM. Il ne trouvait pas, en ce qui le concernait, de grandes différences de travail entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Parce qu'il ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Ce qu'il reprochait, c'était l'abus de parole de certains acteurs dans les films parlants. Lui, il pouvait continuer à travailler 5 ou 10 minutes d'affilée sans jamais prononcer un seul mot. Yes. Comment il travaillait? Can you tell us how it was? Parfois j'étais avec lui, parfois non, car j'étais danseuse. Et quand il préparait une scène, il lui fallait voir les gens avec qui il travaillait, le contexte, les accessoires, et puis il s'en débrouillait. Did he, I don't know if you say like that, but improvise things when he was turning? Very much. S'il improvisait, oui. Il improvisait énormément. Et il faisait tout lui-même. Il créait tout lui-même. Mais évidemment, si quelqu'un avait une bonne idée, il l'écoutait volontiers. Yeah. I would like you to speak about the railroader. So can you tell us about that? Le tournage du Railroader. Oui, pendant le tournage du Railroader en 1965, il avait 69 ans et il prenait autant de risques acrobatiques qu'à 30 ans. Il ne savait pas prendre garde à lui. Je pense que quand on fait quelque chose pendant toute sa vie, depuis la petite enfance, on ne peut s'empêcher de le faire de la même façon, même quand on est plus vieux. Et lui, il en était capable. Moi, j'avais peur, mais lui, jamais. Et puis, le réalisateur du film était encore plus anxieux que moi. Bon vieux ciné, blotti sous les branches, mon vieux cinéma muet, au drame silencieux, sais-tu combien j'aimais le dimanche, retrouver tes fantômes vivant à mes yeux. Film de terreur, d'épisodes et de trance, Pearl White sautant la folle d'un cheval sur un train. La reconnaissance, c'est sans doute ce qui a manqué le plus à Buster Keaton presque tout au long de sa carrière. Et heureusement, en 1962, la Cinémathèque française l'invita. C'est d'ailleurs depuis ce moment que nous pouvons revoir ses films dans notre pays. Mais cette réception fut pour lui une véritable épreuve. Pierre Etex raconte. Lorsqu'il est arrivé devant la Cinémathèque, il n'avait pas encore, on n'avait ressorti aucun de ses films. Il venait donc faire cadeau de ses copies, de toute son œuvre, à la Cinémathèque française. Il était très inquiet de savoir comment on l'accueillerait. Et lorsqu'il est arrivé rue de Courcelles en voiture, Raymond Roer m'a dit qu'il était très inquiet, qu'il ne voulait pas descendre de voiture. Il a dit avant d'entrer, « Oh mais on m'a oublié, plus personne ne me connaît, je vais encore subir une humiliation, etc. » Et il en souffrait beaucoup, il ne voulait pas venir. Et puis il y avait là 300 personnes qui étaient rassemblées rue de Courcelles dans un tout petit espace. Et quand il est entré, on lui a fait une ovation extraordinaire. Et là, il a été très très très ému. Et le soir, la surprise a été d'autant plus grande que rue d'Ulm, il y avait, puisque la Cinémathèque était rue d'Ulm à cette époque-là, il y avait une queue qui allait jusqu'au Panthéon et les gens étaient refoulés. Ça, pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Pendant 15 jours où on a projeté tous ces films, chaque soir, ça a été le même événement. Et lorsqu'il est arrivé à la Cinémathèque, donc rue d'Ulm le soir, pour la projection de ses films, il est entré, je me rappelle, j'étais sur un bord, il est passé tout près de moi avec un imperméable, avec le col relevé, il était livide, il avait le visage très contracté, et tout le monde était debout, l'applaudissant. Il est arrivé jusque devant l'écran, et il a pris une attitude comme à l'intérieur de ses films, vous savez, quand il se met une main dans l'autre, comme ça, il a regardé le public. Et puis, il a dit, avez-vous une question à me poser? Et là, il y a eu un silence incroyable, tous les spectateurs qui étaient debout, personne n'a pu lui poser une question. Alors, il a cherché quelqu'un, il est tombé sur le visage de Robert Benayoun, qui est assez savoureux, et il a pointé son index et lui a dit « Avez-vous une question à me poser ?» Et je ne sais plus quelle question, Benayoun, une question tout à fait insipide, parce qu'il était pris de court, lui a posé. En tout cas, Keaton y a répondu très brièvement, et après quoi, on n'a plus eu envie de lui poser d'autres questions. Tout le monde l'a applaudi de nouveau, et là, il est parti, et quand il est repassé à côté de moi, j'ai vu qu'il pleurait. Et ça, c'est un moment phénoménal. Il a été reconnu comme ça après 30 ans d'oubli en un jour, vous comprenez. Il y a eu des gens qui l'aimaient, qui lui ont fait savoir ce soir-là. Alors c'était extrêmement bouleversant. Pourquoi il est en fait un grand cinéaste? C'est que d'emblée, il a posé, et je dirais qu'il est le premier à avoir vraiment posé le problème du cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? En montrant bien que le cinéma, c'est une toile blanche, enfin c'est un écran, sur lequel on projette des illusions. Ces illusions donnent une impression de réalité, et on veut posséder, rentrer dans cet univers du désir qui est votre univers, qu'on voudrait rendre réel, et en même temps, en permanence, on est déçu, et il faut pourchasser d'autres, poursuivre, pour parler en termes de poursuivre, d'autres illusions, pour à la fin, peut-être, aboutir à obtenir un peu de réel. C'est une quête, je dirais, il y a un côté désespéré chez Keaton. Une quête désespérée de l'illusion comme source ultime, enfin peut-être de bonheur, donc de réel. Le monde est en folie. Tout marche, tout bruit, tout court, tout délire se fait et se défait. Tout vente, s'ébruite et se propage. Les constructions restent fragiles. Le monde se perd et, croyant se transformer, se déforme. L'homme, au masque blanc, est immobile. Il prend souvent l'attitude du penseur. Il est froid, humain, trop humain. Et sa sensibilité est ailleurs, comme la vie. L'homme, au masque blanc, est dans et hors le monde. Il est impossible d'être l'homme au masque blanc, mais l'homme au masque blanc est en chacun de nous. Et sa dérive, sa façon à lui de ne pas sombrer dans ce monde en manque, est d'allumer lui-même le baril de poudre sur lequel il est assis. Façon de disparaître. L'image de Buster Keaton, c'est un petit dessin que Pierre Etex a réalisé pour la couverture du livre des Mémoires de Keaton. Un petit bonhomme, perché sur des cubes, dangereusement superposés. C'est une petite structure, c'est un matériau en liège, parce que Keaton était léger comme le liège, et en même temps robuste, c'est-à-dire c'est fait avec des bouchons qui donnent une espèce de robustesse du personnage, et il est sur un escalier impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun appui, il est en porte-à-faux avec les lois de l'équilibre, et il n'y a pas de support, donc l'escalier est dans le vide. Et logiquement, comme il est en boue, il devrait tomber, mais il ne tombe pas, parce qu'il défie les lois de l'équilibre. Pour moi, Keaton, c'est ça, c'est l'homme qui défie les lois de l'équilibre. Et puis il y a ce geste, en fait, cette position du corps de Keaton. La main en visière. Et l'autre bras toujours. En arrière. Oui, toujours. C'est, je crois, le stéréotype de l'image de Keaton. C'est une merveilleuse photo qui est celle du navigateur perdu dans les cordages, quoi. Buster Keaton avec Jean Douché, critique de cinéma, Claude Autant-Lara, Pierre Etex, Rémi Esnault, la traversée écrite d'un spectateur passionné et le témoignage d'Éléonore Keaton, son épouse. Les extraits des Mémoires de Buster Keaton étaient dits par Léon Lesac. Vous pouvez lire Slapstick ou Les Mémoires de Buster Keaton aux éditions de La Talente, Buster Keaton par Marcel Holmes dans la revue Premier Plan, Le Regard de Buster Keaton par Robert Benayoun aux éditions Herscher. Buster Keaton, une émission de Simone Douek. Mixage, Monique Pratt. Réalisation, Maurice Audran. Attendez, attendez, ce n'est pas encore la fin du deuxième acte. Écoutez la voix de celui qu'on n'a presque jamais entendu. C'est un document. Merci, Buster Keaton, de nous avoir tant fait rire. Story I'm going to tell you about a brave engineer. Casey Jones was the gentleman's name, and on the 6-8 wheeler, all you want is fame. Pulled out of the station with a big heavy train, kept on going till he struck the main. Switchman knew by the